السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، اليوم ندخل في الحديث 78 78 حديث بإذن الله تعالى. On approche de la fin de ce livre doucement mais inshallah sûrement. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. طيب، là je me suis trompé dans l'ordre. Normalement, ça aurait dû être le 77e en premier, c'est pas grave. On va lire celui-là, vu qu'on a commencé, et après on retourne en arrière pour prendre le 77e. Inch'Allah. Mayadur, ça n'y en rien. Donc il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que la dunya est comme une douceur verte, comme la verdure. Vous voyez, tout ce qui est vert, tout ce qui est plaisant dans la nature, sont des choses qui apaisent l'âme et que l'homme il aime. Donc Allah azawajal, ou plutôt le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a comparé cette dunya à cette verdure. Et il a dit que Allah vous y mettra comme dominant, c'est-à-dire cette douceur, cette beauté, c'est vous qui en serez les maîtres, voyez, en ce bas monde, par rapport aux autres créatures. Et que Allah va regarder comment vous allez vous comporter, justement, après avoir donné ces avantages-là, ce sera pour nous une épreuve. Comment est-ce qu'on va se comporter? Est-ce qu'on va remercier? Est-ce qu'on va abuser? Est-ce qu'on va être injuste? Et ainsi de suite. Est-ce qu'on va savoir en profiter à bon escient et réaliser les cas? Donc il a dit, craignez la dunya, c'est-à-dire protégez-vous du mal de la dunya. Et craignez les femmes, dans le sens protégez-vous du mal des femmes. Car la première tentation qui a frappé les fils d'Israël était dans les femmes, justement, rapportée par Muslim. Donc ce hadith vient pour nous mettre en garde des parures de cette dunya, que celle-ci n'est qu'une épreuve pour nous. D'accord ? Et également pour savoir qui d'entre nous œuvrera le mieux. Comme Allah Ta'ala, l'inabluakum ayyukum arsanu amala, afin de vous tester et de voir qui parmi vous agira le mieux. Donc la dunya, quand on la regarde, au premier abord, elle est belle. Et d'ailleurs, elle est pour preuve qu'elle est belle, c'est pour elle que les gens, en général, se battent pour s'y accrocher et pour l'obtenir, et pour rester le plus longtemps possible. Mais cette religion qui est l'islam vient nous montrer justement que cela n'est qu'un voile, et que derrière, il se passera soit ce qui nous nuit, ou soit alors ce qui nous profite. Mais la dunya en elle-même n'est qu'un voile. Et en réalité, ce n'est pas le voile qui doit être important pour nous, mais ce qu'il y a derrière ce voile. Donc dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre la fitna de cette dunya. Contre la fitna de cette dunya. Comme Allah Ta'ala, Zuyina linnas hubbu shahawat min an-nisa wal banin. Qu'il a été embelli aux hommes l'amour des plaisirs comme les femmes et les enfants, le fait d'avoir des enfants. Et la fitna des femmes pour les hommes en particulier, mais que cette fitna, elle est réciproque, que l'homme est une fitna pour la femme. L'homme est une fitna pour la femme. Cependant, la femme a un degré de plus, car la femme, c'est une aura, kamila, entièrement. La femme est entièrement une intimité, comparée à l'homme. C'est pour cela que la femme s'habille comme elle s'habille. En islam, elle se couvre intégralement des pieds à la tête et de façon large à ce que son corps ne soit pas, ou que sa silhouette ne soit pas apparente, contrairement à l'homme. L'homme, lui, n'est pas une aura. Bien que l'homme reste une fitna pour la femme également. Mais elle n'est pas aussi forte. Dans le sens que l'homme, ce n'est pas son physique en soi qui pourrait être une cause de fitna pour la femme, et c'est un tout. Alors que la femme, elle sera principalement son physique, quoi, en fait. Et ça, c'est une chose que les gens ont compris en général. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes s'habillent comme elles s'habillent, qu'elles font ce qu'elles font, c'est avec leur physique. D'accord ? Les gens, aujourd'hui, les critères des femmes qui recherchent, même dans les emplois, dans les choses mondaines, une femme peut arriver avec le plus grand des CV, on va regarder son physique en premier lieu. D'accord? Les secrétaires, vous allez voir dans les bureaux, elles sont, généralement, sont toutes plaisantes. Les hôtesses de l'air, c'est tout le temps une femme qui est plaisante à voir. Donc, en réalité, la force de la femme, c'est dans sa féminité, c'est dans son physique. Malheureusement. Je parle d'une échelle générale. Après, bien évidemment, on a des hadiths qui nous apprennent à choisir la femme qui a une religion. Mais vous le savez, la femme, on l'épouse pour trois choses. Soit pour sa beauté, soit pour son rang social, soit pour sa richesse, et soit pour sa religion. D'accord ? Et celle qui doit être en priorité, c'est celle qu'on choisit pour sa religion. Mais bien évidemment, il est demandé à l'homme d'avoir un minimum d'attirance pour la femme, d'où le fait qu'il y ait la khidba qui a été légiférée, le fait de la regarder avant le mariage pour être sûr qu'elle va te plaire. D'accord ? Et on le répète une fois de plus, ça s'appelle khidba et pas muqabala. Les gens disent tout le temps muqabala. Muqabala, dans le char, ça n'existe pas. C'est un terme qui est génial, qui veut dire rencontre. Même les gens l'utilisent pour l'interview. D'accord ? Alors que la khidba, c'est un terme légiféré justement pour la demande en mariage. C'est spécifique à cette occasion-là. Donc, faut rester précis que les termes qui sont venus dans le Coran, dans la Sunna, c'est khidba. Muqabala, ça n'existe pas. Enfin, ça existe, mais ce n'est pas le terme qui est employé en religion. قال فهذه اللذات المنوعة فيها والمناظر البهيمية أو عفوا البهيجة جعلها الله ابتلاء منه وامتحانا واستخلف فيها العباد لينظر كيف يعملون. Donc dans cette dunya on trouve toute forme de plaisir, hein, toute forme de plaisir et de jouissance, et celles-ci n'ont été mises que pour nous éprouver, justement pour voir qui est prêt à les délaisser ou à ne pas se faire leurrer pour pouvoir obtenir l'au-delà. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى comme encore la ta'ala, et que l'au-delà est meilleur et plus durable. D'accord ? Et ceux qui se précipitent et qui veulent celle-ci directement, mais qui n'ont au final n'auront que le regret. Ils n'auront que le regret. Donc, ce qui nous fait tomber, pour la plupart d'entre nous, dans les mukhalafat et les zunoub, ou les alika, c'est talab ad-dunya, justement. C'est obtenir cette dunya-là. Si tu vois les gens faire ce qu'ils font, c'est parce qu'ils veulent la dunya. Donc, cette dunya, en réalité, elle n'est pas un khayl pour nous. Elle n'est qu'un khayl que lorsqu'elle est mise au service de la religion. Là, elle est un khayl. Sans quoi, elle n'est qu'une fitna pour nous. Elle n'est qu'une fitna pour nous. Et peu de gens l'ont compris. Ou plutôt, on va dire que beaucoup de gens l'ont compris en réalité, mais peu arrivent à assumer. Car même chez les koufars, vous allez en voir certains qui disent qu'ils ont compris qu'en réalité, tout cela, c'est vain. Vous les voyez, même quand ils sont rassasiés, ils ne sont pas rassasiés, ils disent, en fait, je mange, mais j'ai toujours faim. Ils ont de l'argent, mais ça, voilà quoi. Ils ont plein de femmes, mais voilà quoi, malgré tout. Ils ont tout ce qu'il leur faut, mais voilà, ils se rendent compte qu'en fait, cette dunya-là, elle n'apporte pas ce bien-être qu'ils recherchent. Cette dunya ne leur apporte pas. Ce bien-être qu'ils recherchent, en réalité, il est dans l'iman, dans la foi. Mais ils ne veulent pas l'assumer. Parce que cette foi va amener à quoi, justement ? À devoir délaisser cette dunya. Et eux, ils la veulent. Mais ils la veulent tout en sachant que celle-ci ne leur apporte rien, en réalité, car ils ne sont jamais rassasiés. Ils ont fait le tour, comme on dit, ils ne sont jamais rassasiés. Donc c'est un peu un cercle vicieux pour eux. Alors que le croyant, lui, alhamdoulilah, il prend cette dunya ce qui lui est utile. Et en plus, le mu'min a plus de saveur. Il y a une saveur plus à dunya car il connaît sa valeur. Car il sait que la chose, ce qu'elle lui apporte. Alors que pour des gens, c'est devenu une banalité. Une personne qui est souvent privée de choses, qui se prive de choses, le jour où on lui donne dans un bien, eh ben, elle a plus de valeur cette chose-là à ses yeux. C'est comme quelqu'un qui a jeûné. Le jour où il mange, ou plutôt à l'heure de la rupture du jeûne, eh ben le repas il est encore plus savoureux pour lui. Pourquoi ? Parce que toute la journée elle était privée. Quelqu'un qui ne boit pas lorsqu'il jeûne, tu lui apportes un verre d'eau fraîche, cette eau elle n'aura jamais été aussi savoureuse à ses yeux. Donc c'est pareil pour cette dunya là. Nous en tant que croyants, on doit la délaisser au maximum, et le jour où on peut en prendre une part pour un bien, eh ben cette part là nous paraîtra plus agréable encore qu'à quiconque. Une chose qui paraît maudit aux yeux des gens, peut te paraître toi plus savoureuse qu'une chose qui est onéreuse chez eux. Parce qu'ils ont tellement l'habitude que ça leur fait plus rien. Par exemple, moi, je me rends compte, là, qui sort du Yémen, qui se passage en France, je me rends compte qu'en fait, les gens se plaignent de choses qui, en réalité, sont des bienfaits, en apparent, bien que ce soit des choses qu'ils amènent à s'égarer. Mais ils voient des choses dont ils se plaignent, donc en réalité, ils n'ont pas besoin de se plaindre. Par exemple, ici, je vois au Yémen, en France, l'électricité, c'est, voilà, au Yémen, il n'y a aucun des coupures. Et les gens vont se plaindre à la fin du mois de la facture. On dit déjà, vous avez de l'électricité en continu. En continu. Il y a des pays, ils n'ont pas d'électricité. Plein de choses. Les spécialistes dans la médecine, il y en a plein ici. Je vois au Yémen, on n'a pas ça. Des fois, pour un truc tout simple, on doit faire là, le voyage, et même on ne le trouve pas, et on subit, et on patiente. Quand on peut patienter ici, tout est là. La salade, tout est là. Et malgré cela, les gens se plaignent. T'as vu, au Yémen, en nourriture, t'as vite fait le tour. Des choses à manger ici, c'est prenant de là. T'as des restaurants à tous les coins de rue avec les variétés de nourriture. Malgré cela, les gens ils se plaignent. Ainsi de suite. Parce qu'ils ont perdu la saveur à la valeur des choses. Tellement ils en sont rassasiés. Donc en être privé, en réalité, te fait réaliser ce que tu possèdes. J'ai même vu une fois un article sur le net qui parlait que... j'ai pas lu le contenu, j'ai juste vu le titre et le titre m'a interpellé. Ils disaient qu'ils avaient pour projet d'envoyer des jeunes à l'étranger, d'accord, dans d'autres pays à l'étranger. Je sais pas quel pays ils visent, mais sûrement ils doivent viser des pays de, on va dire, de niveau moins fort que celui de la France, pour qu'ils reviennent en France encore plus motivés. On dit, ouais, en réalité, quelqu'un qui part, qui va, je sais pas, dans les pays du tiers-monde, dans les pays d'Afrique, pour apprendre qu'il va revenir en France, il va voir justement la France commence un pays qui est développé et dans lequel il a plein d'opportunités devant lui. Attention, je suis pas en train de dire de venir en France. Je te parle là par rapport au Koufar. Ils n'arrêtent pas de se plaindre de ce qu'ils ont, de ce qu'ils n'ont pas. S'ils vont aller ailleurs, voir comment d'autres personnes vivent, ils vont venir en France et dire, en fait, on a tout ici, ce qu'il nous faut, franchement, voilà, quoi. Et là, ils vont réagir. Ça y est. Sauf que nous, on vit pas pour ça. Mais c'est une réalité, c'est un fait qui existe. On va te priver d'une chose, le jour où tu vas la voir, eh ben, tu vas réaliser sa valeur. Donc, cette dunya-là, Allah Azawajel nous l'a mise comme épreuve. Et parmi les grandes fitnas qu'il y a pour l'homme, comme dans le hadith, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est de craindre la fitna des femmes. Car les Bani Israïl, à quel moment ils ont commencé justement à dévier, ils en sont arrivés à tuer les prophètes ou autres, ça a commencé par la fitna des femmes. Par les femmes. D'où le fait qu'Allah Azawajel dans le Coran nous appelle à baisser le regard. À baisser le regard, tant homme que femme. D'accord? Et tout moyen qui mène à transgresser doit être fermé pour nous préserver. Est-ce que cela veut dire que maintenant les musulmans sont comme des moines et des bonnes sœurs qui sont dans la chasteté absolue? Non. Le mariage, il existe, alhamdoulilah. Pour les hommes, il y a la polygamie. Mais juste faire les choses dans les règles. Allah, l'Azhar Jal, ne nous a pas demandé de nous priver des femmes ou les femmes de se priver d'hommes. Non, mais de pouvoir assouvir ses plaisirs dans le halal. Tout simplement. Malheureusement, quand la fitna elle est trop forte, eh ben les gens ils dépassent les limites. Ils enfreignent les lois. Mais ça donne qu'à Zalik, là on va revenir sur l'exemple de la France. La fitna des femmes ici, elle est monstrueuse. Même en baissant le regard, tu n'y échappes pas. Même en baissant le regard, tu n'y échappes pas. Parce qu'en bas, tu vas voir des choses pareilles. Ça veut dire, même tu veux pas regarder, t'es obligé de voir, c'est incroyable. Sur les bus, sur les affiches, les panneaux publicitaires, partout. C'est partout. Où que tu ailles, c'est partout. Le seul endroit où tu es encore à l'abri, c'est peut-être en restant chez toi. Et comme tu le sais, t'es confronté à devoir sortir et à faire des choses. Cette fitna-là, tu n'échappes pas. Et malheureusement, elle joue sur ton cœur. Elle joue sur le cœur, cette fitna, au fur et à mesure. Et aussi, elle joue sur les couples. Car les frères, à force de voir ce qu'ils voient dans la rue, à l'extérieur, eh bien, ils deviennent difficiles par rapport au physique de leur femme. Et les femmes, pareil. Elles commencent à devenir exigeantes lors d'une khidba, elles veulent un frère qui soit de telle et telle façon. Alors que ce n'est pas ça qu'elles demandaient en religion. Et peut-être qu'à cause de ça, elles passent à côté de frères qui sont à la khayl pour elles, mais comme il n'a pas l'apparence qu'elles souhaitent, l'apparence qu'on est habitué à voir, d'accord, eh ben, elle veut pas de lui. Alors que ce frère-là peut être un grand khayl pour elle. Et ensuite, elle va voir un autre frère qui a un autre physique, plus plaisant, et avec qui il n'y a que des problèmes. Et elle dit, je comprends pas. Et le frère, pareil. Il dit, je comprends pas. Elle dit, t'as pas compris, parce qu'en fait, ta vision, ta notion des choses, elle a été dénaturée, elle a été polluée, à force de voir ce que tu vois. À force de voir ce que tu vois. Voilà, vous allez au Yémen, j'en parle tout le temps. Au Yémen, vous ne verrez quasiment jamais une femme refuser un homme pour son physique. Quand un homme vient à la demande en mariage, elle est honorée. Quand un homme vient voir son wali pour la demande en mariage, elle est honorée. Et généralement, quand le wali il est d'accord sur toutes les conditions, la femme ne dit pas non. La femme là-bas ne dit pas non. C'est plus du côté de l'homme qu'on craint que lorsqu'il voit la femme qu'il ne soit pas vraiment impressionné par elle. Donc elle souhaite être plaisante, être belle à ses yeux. Mais en réalité, une fois que le prétendant a parlé avec le wali est d'accord, en fait la khitba est juste pour là pour dire qu'en fait l'homme, est-ce que cette femme te plaît suffisamment? Mais en réalité, la femme c'est déjà accepté pour elle. Elle a déjà dit oui. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit gros, qu'il soit maigre, ce que tu veux. D'accord? La femme là-bas, en général, hein, en général, c'est pas non plus du 100%, mais rarement vous verrez une femme dire non à un homme si la khitba est acceptée. S'ils disent non, c'est avant la khitba. Pour des choses qu'ils connaissent de la personne. Si la khitba est acceptée, c'est que, khalas, du côté de la femme, c'est accepté déjà. C'est juste l'homme, il vient la voir pour elle. Parce que là-bas, on voit pas les femmes. Là-bas, les femmes sont couvertes des pieds à la tête. Alhamdoulilah. Et malgré tout, les hommes yéménites ne sont pas aussi difficiles, loin d'être comme le seraient les frères de France ici. Donc tout ça pour vous dire qu'on a été dénaturé, nos cœurs sont pollués, et on a perdu la valeur des choses. Tant que ce soit dans les goûts par rapport aux femmes, et dans l'excès de la dunya. Toutes ces choses-là ont été mises comme des épreuves pour nous. Donc, quand les gens s'en verront privés un minimum, quand les gens, par exemple les hommes, ne verront moins de femmes, et ben, ils se rendront encore plus compte de la fitna de la femme. Mais quand ils en voient tellement que le cœur devient habitué, ça devient normal pour eux. D'accord? Ça leur fait plus rien. Le cœur, il est shib meyit. Alors que lorsqu'on t'en prive, tu ne le vois plus, crois-moi bien que, les choses, elles sont pas pareilles. Mais pour cela, faut revenir à la nature saine de l'islam. Hadaou. Donc cette fitna-là, de la dunya, et des femmes, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous en a averti, nous a mis en garde contre elles. Car même ces femmes que tu vas voir qui vont te plaire au premier abord, si demain tu t'as, Allah fasse que tu es prouvé à dépasser les limites avec elles, tu n'auras que le regret derrière. Tu te rends compte donc, en fait, qu'elle était, cette femme-là, elle t'a plu, elle était belle, en fait, une fois que t'as eu ce que tu avais à vouloir avec elle, mais y a rien derrière, en fait. T'as quoi de plus? T'as rien, t'as que le regret. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Tu te rends compte qu'une comme elle, t'en as 10 000. Une comme elle pour qui tu as craqué, pour qui tu as glissé, t'en as 10 000 comme elle. Et tu t'es dit, subhanallah, tu regrettes d'avoir passé le cap, ce cap interdit. Et pareil pour les sœurs, qui ont craqué devant un homme, d'accord, et ben se rendent compte qu'une fois que le fruit est goûté, et ben il n'y a que de l'amertume et que du remords. Et ça, je pense pour des gens qui ont un minimum de khayr en eux encore. Après, t'en as, ils récidivent et ils ne lâchent pas l'affaire. Et en réalité, ça n'amène qu'au regret. Qu'au regret. Car ça t'a rien apporté, en fait. Vous voyez, ça ne t'a rien apporté, concrètement. Ça y est. Donc là, c'était le hadith. Aujourd'hui, pour nous mettre en garde, justement, de cette parure que comprend la dunya et de la fitna des femmes. Pour les hommes, et on l'a dit en même temps, ça va dans l'autre sens, la fitna des hommes pour les femmes, mais elle est plus forte pour l'homme que pour la femme. Elle est plus forte pour l'homme que pour la femme, car c'est l'homme qui, de base, est amené à sortir de chez lui. Donc à affronter ce qui se passe dehors. Alors que la femme, elle est plus préservée, normalement, car elle reste chez elle. Donc elle voit moins de choses. Alors que l'homme, lui, voit tout et n'importe quoi. Malheureusement. Et l'homme a des shahawats plus fortes que ceux de la femme. Également. L'homme a des shahwat plus fortes que celles que la femme. Naam. Thumma yaqul fil hadith as-sabi' wa sab'in. Donc là, on retourne en arrière dans le 77e hadith. An Anas radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمينا ليتمنين عفوا أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. et le hadith, il est authentique. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que aucun d'entre vous n'aspire à mourir, n'espère la mort pour un mal qu'il aurait touché. Et si vraiment il doit être amené à en arriver à penser justement à quitter ce monde, alors qu'ils disent « Oh Allah, fais-moi vivre tant que la vie est bonne pour moi et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. » فيقول هذا نهي نهي عن تمني الموت لدرد الذي ينزل بالعبد من مرض أو فقر أو خوف أو وقوع في شدة ومهلكة أو نحوها من الأشياء فإن في تمني الموت لذلك مفاسد. Donc ce hadith comprend l'interdiction de souhaiter la mort pour un mal qui aurait pu toucher le serviteur, comme maladie, comme pauvreté, comme peur, ou autre, toute chose qui l'amène à lui faire peur. Car désirer la mort, cela amène plusieurs préjudices. En premier, cela amène à se permettre de se rebeller contre ce que Allah Azzawajal aura qadar comme épreuve qui nous touche. Alors qu'à la base, on doit patienter et affronter. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ô vous qui avez cru, patientez et soyez endurants et craignez Allah afin que vous réussissiez. Donc il faut affronter. Donc celui qui espère la mort, c'est comme si vous voulez se sauver. Ensuite, il dit أن يضعف النفس ويحدث الخوار والكسل ويوقع في اليأس. Également, cela amène à affaiblir l'âme et à la rendre inactive et à amener à la paresse, car celui qui espère mourir n'a plus dans nos motivations dans les choses. Il est démotivé, donc il ne va plus agir, il ne peut aller de l'avant. D'accord? Vous voyez les gens qui sont suicidaires, par exemple, vous les voyez, ils sont à bout, ils font plus rien. Ils se laissent mourir ou ils n'ont plus de goût à vouloir entamer des nouvelles choses. Car lui, ce qu'il veut maintenant, c'est mourir. Donc à quoi bon entamer un nouveau projet ou faire des choses, investir ou quoi, ça sert à rien, parce qu'il veut mourir. Il dit également qu'espérer la mort, c'est de la bêtise, de la stupidité, car la personne ne sait pas ce qu'il attend après la mort. La personne, il veut mourir. Mais qui te dit qu'après la mort, ce que tu vas avoir, parce que qu'est-ce qu'il veut celui qui veut mourir? Il veut te libérer. Et qui te dit que tu seras libéré justement? Qui te dit que ça ne va pas être pire encore pour toi après la mort par rapport au fait que tu auras commis des choses de ton vivant qui te seront nuisibles après la mort? Alors qu'être vivant, c'est encore une occasion pour toi de pouvoir faire tauba, de rattraper, de te réformer et d'arranger les choses. Ali fursa azima. Donc celui qui veut mourir, voyez, cette façon de penser, elle est bête. Elle est bête. Ensuite, il dit que cela, espérer mourir, ça va faire que la personne sera privée de pouvoir augmenter le bien qui sera à sa portée, car une fois que tu es mort, tu ne peux plus agir. Tu ne peux plus agir. Alors ce qui te demandait, c'est-à-dire le plus possible. Car tu ne sais, comme ça rejoint un peu le point précédent, tu ne sais pas ce que tu as amassé comme hasanat. Et est-ce que cela te sera suffisant? Alors qu'en étant vivant, tu as toujours l'occasion de pouvoir aller de l'avant. Et notre Cheikh Abdel Hamid le disait justement, quand il entendait des frères, il disait qu'il voulait la shahada fi sabilillah, voulait le martyr. Il disait, al haya fi sabilillah, khayr min al mawt fi sabilillah. Il a dit, la vie sur le sentier d'Allah est meilleur que la mort sur le sentier d'Allah. Il veut dire quoi par là? Que tu vives longtemps dans l'obéissance, cela t'est meilleur que de mourir sur l'obéissance. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé, ma khaylun nas, qala man tala umruhu wa ahsana amalu, qui est la meilleure des personnes, celui dont la vie a été longue, dont les actes sont bonnes. Donc en réalité, vivre longtemps sur l'obéissance, c'est meilleur. Et en plus, rien n'empêche qu'au final, Allah Azzawajal t'accorde justement cette shahada, ce martyr que tu souhaites, qu'à la fin de ta vie, après une longue vie, dans le khayr, Allah te l'accorde, c'est-à-dire que tu auras été, alhamdoulilah, tu auras tout gagné en fait. Tu auras tout gagné. Et vous savez que se suicider en islam est interdit parmi les grands péchés. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a menacé que celui qui veut agiter de la sorte, il sera châtié au Qiyamah par le procédé par lequel il s'est suicidé. Si jamais il s'est tué par arme à feu, il sera châtié par cette arme à feu. Si jamais il s'est tué par arme blanche, il s'est pendu ou il s'est, quelle que soit la façon dont il s'est tué, eh ben, Yom al-Qiyam, du jour de sa mort jusqu'à Yom al-Qiyam, il sera châtié de la même façon par laquelle il s'est tué. Regardez bien. Et en plus, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a délaissé la salat sur un homme qui s'était donné la mort. Donc ça prouve que c'est parmi les grands péchés, ça. Le musulman, il doit patienter, affronter. Il ne souhaite pas la mort. Pour un mal qu'il aurait touché ou quoi. Mais sans quoi, si vraiment il arrive à bout et qu'il sent que sa vie est une épreuve pour lui et qu'il est en train de, par exemple, de dévier ou de changer ou de perdre sa religion, qu'il a peur justement de mourir sur le mal, alors à ce moment-là, il fait ce do'a-là que l'ami Sansan nous a enseigné. Allahumma hini ma kanat al hayat khayran li wa tuwaffini in kanat al wafat khayran li. Ce fut le cas, par exemple, de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, qui est arrivé à un moment dans sa vie, à la fin de sa vie, une épreuve très dure pour lui, où il espérait mourir, plutôt que vivre et subir ce qu'il subissait comme épreuve dans sa religion. Il a fait ce do'a-là. Et Allah Azzawajal a pris son âme par la suite. Mais l'imam Bukhari, regardez la vie qu'il a passée. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Regardez ce qu'il a fait, l'imam Bukhari. Jusqu'à aujourd'hui, le livre le plus authentique qui a été écrit de la main de l'homme, c'est le sien. Et il est lu en continu, et il est une référence pour l'islam. Donc on pense bien que quelqu'un comme lui, quand il est mort sur le khayr. Il est parmi les gens dont on a un grand espoir, qui sont parmi les gens de Jannah. Il est une référence pour l'islam incontournable. Incontournable, l'imam Bukhari. Il a fait un travail inestimable pour la religion. Subhanallah, rahimahullah. Donc espérer la mort, c'est une chose qui est réprouvée en religion. Et on doit patienter et affronter. Et Ayyub, alayhi salam, comme le dit Ibn Qudama, l'histoire de Ayyub est une forme d'argument pour toute personne qui sera atteinte d'une maladie et qui ne patiente pas. L'histoire de Yusuf, alayhi salam, est une réponse, un argument pour toute personne qui sera été prouvée par la prison ou quoi et qui ne patiente pas. Et autres. Et pareil pour la fitna des femmes. Youssouf, c'est un argument. Pour les gens qui se croient forts par rapport aux femmes. Quand on voit dernièrement une photo d'un savant, dans lequel il permettait, là, d'étudier dans la mixité, sous condition que la personne se voit forte. On dit, subhanallah. Mais comment tu peux te sentir fort, tant que tu n'es pas, justement, au pied de l'épreuve? Youssouf, alayhi salam, est-ce que tu seras plus fort que lui? Et là, pourtant, il a vu que la prison était meilleure pour lui, car si jamais il n'était pas resté en prison, il aurait fini, il craignait de lâcher prise, de craquer devant cette fitna de ces femmes-là. Et nous, on va arriver aujourd'hui, on va dire non, je vais à l'université toute la journée, avec plein de femmes, et je suis fort, je vais tenir. Ya subhanallah. Des fois, on entendait Aqwal, c'est ajib. Et des gens qui vont prendre ce genre de fatawa pour justifier leur fait, ils vont justifier quoi? La maladie qu'ils ont dans le cœur. De vouloir aller au milieu des femmes, justement. Car t'en as, ils vont te dire, moi, ça ne me fait rien. Peut-être parce que les femmes ne sont pas venues te voir. Mais le jour, certaines vont venir te voir, un jour, deux jours, trois jours, au bout d'un moment, tu vas lâcher prise. Et en plus, quelle femme honorable accepterait que son époux soit au milieu des femmes du matin au soir? Quelle femme sera tranquillisée? Son mari étudie ou travaille au milieu des femmes du matin au soir. Est-ce que toi, en tant qu'homme, tu l'accepterais pour ta femme? Tu l'accepteras? Si t'as un minimum de rage, un minimum de jalousie, est-ce que tu veux l'accepter? Tu peux pas l'accepter. Donc comment on peut accepter ce genre de fatawa? Surtout en plus, les études, c'est pour les gens qui sont jeunes. La jeunesse, on a la fougue, le jeune est encore plus justement pris de shahwat que l'ancien. Et malgré cela, non. Si jamais tu ne crains pas pour toi, tu sens que tu es fort, alors tu peux. C'est rajib d'entendre ce genre de paroles. Et quand on refuse cela, on passe pour des gens durs ou des haddadis, je ne sais quoi. Alors que la fatwa, elle est fausse de base. La fatwa, elle est fausse de base. Et les plus grands des savants qu'on a connus, ils ont toujours été catégoriques là-dessus, que ce soit l'imam al-Albani, que ce soit Cheikh Mokbil, que ce soit Cheikh Al-Othaymin, tous ils ont été catégoriques. Que se étudier dans la mixité, cela est interdit. Et ces savants qui font ce genre de fatawa, ils sont responsables de ces jeunes qui ont écouté d'eux, qui seront tombés dans le farcha par la suite. Car ils sont rentrés dans ce farcha-là, pas à la cause de ce genre de fatawa. En qui ils font confiance, c'est vraiment ils font confiance, ils les suivent, et après ils appliquent, et après le reste qui leur arrive. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire quoi à ce moment-là? Cher Intel m'a fait la fatwa. Oui, Cher Intel, mais tu sais pas que c'est interdit de base. Donc, faut faire attention à ce genre de choses. Ne pas être leurré par Cher Intel, Cher Intel. Le faux reste le faux. Même s'il a été dit par tout le monde. Et le vrai reste le vrai. Même s'il n'était dit que par une personne. Et celui qui suit ses shahawats, ses passions, il en paye toujours un lourd tribut par la suite. Il en paye toujours un autre tribut par la suite. Et Yom Al-Qiyama, Cheikh Intel ne sera pas une excuse pour toi, non plus. Bien que lui, il aura l'erreur d'avoir fait la fatwa, mais toi, on te dira, personne ne t'a attrapé par le col et t'a mis dans cette université ou dans cette école, dans ce travail, et t'a forcé à le faire. Personne, c'est toi qui as été de toi-même. Alors tu aurais pu faire autre chose. Même si c'est moins rentable à tes yeux, tu aurais pu faire autre chose. Mais ça revient au hadith précédent, en fait. C'est Ad-Dunya. Et le Nabi sallallahu alayhi wa dans le hadith précédent, l'a bien dit, Wattaku Ad-Dunya, Wattaku Ad-Nisa. Craignez les femmes. Et là, t'as des ulama qui disent non, si jamais tu es fort, tu peux y aller. La ilaha illallah. Donc, on fait passer la parole de qui en premier? Celle de Cheikh Intel ou celle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est laquelle qui prime? Fattaku Ad-Dunya, Wattaku Ad-Nisa. Eux, ils te disent, on veut étudier pour avoir un diplôme. Le diplôme, c'est quoi? C'est la dunya. Et ensuite, pour avoir ce diplôme, faut aller dans telle faculté, telle école, telle université. Tu es déjà parti sur une mauvaise base. Même demain, tu as ton diplôme et que tu n'as touché aucune femme, tu auras obtenu ce diplôme dans le haram. Tu n'auras pas de baraka dedans. Ça peut être un diplôme d'ingénieur, d'architecte, de médecin, ce que tu veux, tu l'auras bâti sur du mal de base. Même si tu n'es pas tombé dans le haram, qu'Allah t'a préservé de tomber dans la fitna, tu auras obtenu ce moyen qui, à la base, est permis par un moyen qui est muharram. Tu n'auras pas de baraka dedans. Pour la fatwa de Cheikh Intel ou de Cheikh Intel. Allez, dit Moussiba. Mais je dis le pire, c'est que lorsque les gens ont fait une siha, on leur montre la chose, ils te prennent pour un ennemi. Ils te prennent en ennemi quand tu les conseilles de ne pas faire cela. Tu es trop dur. Tu es trop dur. Subhanallah. Donc pour revenir au sujet de base, qui était le fait de désirer la mort, pour des raisons, comme c'était cité dans le hadith, pour un mal que la personne aura, dont elle aurait été atteinte. D'accord? Alors cela n'est pas permis. Maintenant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, an al-maut ahwan al-abd min fitna fi din, que la mort, on va dire même, est préférable pour le serviteur qui ne soit éprouvé dans sa religion. Regardez bien, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il va dans une école où il y a plein de femmes. D'accord? Il s'expose à tomber dans ce qu'il y a des, parmi les pires péchés qui, à la base, ces péchés-là, vous savez déjà c'est quoi la sentence? Pour une chose qui n'est même pas sûr d'obtenir. Un diplôme. Et même s'il a le diplôme, il n'est même pas sûr de travailler dans le domaine dans lequel il a étudié. Et même s'il travaille dedans, il n'est même pas sûr que cela lui sera, par la suite, rentable. Que des improbabilités. Pour être sûr, tu vas faire du haram. Tu es sûr, tu vas faire du haram pour une chose qui n'est pas sûre derrière comme résultat. Si ce n'est pas être irréfléchi, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça. Mahmakan, demander la mort comme ça, taïeb, ce n'est pas une chose qui est religieuse. Et quant aux gens qui, eux, la souhaitent, fisabilillah, il la souhaite, mais elle est utile pour la Ummah. D'accord? Les gens qui s'engagent dans ce genre, dans Fisabilillah Azawajal, ils espèrent mourir pour la récompense, mais avant de mourir, ils vont faire un acte qui leur sera utile à eux et utile à la Ummah. Ce n'est pas du suicide. Ce n'est pas du suicide. Et quant au verset, lorsque Allah Azawajal dit l'histoire de Youssouf, توفني مسلما ولا الحقني بالصالحين lorsqu'il dit fais-moi mourir musulman et fais-moi revivre avec les gens pieux. Yusuf n'a pas demandé à mourir, il a juste demandé que s'aimer la mort devait lui venir, qu'il meure en étant musulman et d'être ressuscité avec les gens pieux. Ce verset n'est pas une preuve parmi ceux qui l'ont mal compris pour dire qu'il est permis à une personne de demander la mort, car Yusuf al-Salam l'a fait. D'accord, ce verset-là, ce n'est pas ça. C'est juste que Youssouf demande à mourir sur l'islam. Comme Allah Ta'ala, « Wa la tamutunna illa wa antum muslimun » et ne mourir qu'en étant en pleine soumission. Est-ce qu'Allah t'appelle à mourir dans ce verset-là? Non, tu dis juste que lorsque la mort te vient, que tu sois sur l'islam. Eh bien, Youssouf alayhi salam, dans cette invocation dans le Coran qui est cité, c'est ça qu'il a voulu. Que Allah le fasse mourir sur l'islam. C'est-à-dire que lorsque la mort lui viendra, qu'il soit musulman. Car c'est ça la réussite. Naam. Taïeb. Donc voilà le dire ce qu'on a pris aujourd'hui par rapport à ce hadith, ou ces deux hadiths. Et ce soir, Inch'Allah, s'il pleut pas trop, parce qu'ici il pleut, le dirs de l'Arba'in Nawawiyya aura lieu comme d'habitude vers le 19h20 par là. De toute façon, s'il n'a pas lieu, il sera annoncé. Si jamais il est annulé, il sera annoncé. Et si jamais il a lieu, ben, Kazali qui sera annoncé. Vous le saurez. Bismillah ta'ala. Et le dirs de demain, par contre, la beauté des cœurs, il est compromis, ce n'est pas encore sûr qu'il aura lieu également. Mais il vous sera informé. Kazalik. Allah yabarik fikum. والحمد لله رب العالمين